Peu importe ce qui arrive, ça fait toujours des soirées mémorables. Ça finit toujours bien. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio dédié aux arts visuels à Québec. Audrey Caro avec vous au micro pour la prochaine heure et je suis très heureuse d'être de retour parmi vous après deux semaines d'absence. Et je désire remercier très sincèrement Jean-Pierre Gay qui a généreusement accepté de me remplacer les dernières semaines. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Cette pause a été très bénéfique pour moi. Eh bien, chers auditeurs, peut-être vous revenir justement quelques instants en arrière. Il y a deux semaines, on avait justement abordé ensemble un dossier sur l'art public. Eh bien, vous dire qu'on a publié sur notre page web différents billets, notamment un billet de Julien Saint-Georges sur l'art public sous différentes formes. Et aussi, également, Julien avait posé quelques questions à Patrice Loubier, historien de l'art et aussi professeur à l'UQAM, bien sûr, en histoire de l'art à l'UQAM, et il nous répond à des questions sur l'art infiltrant, donc pose quelques réflexions sur l'art infiltrant. Donc, je vous invite très sincèrement à aller voir ça sur notre page web, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Donc, vraiment très intéressant et qui poursuit la réflexion qu'on avait entamée ensemble le 3 novembre dernier. Mais aujourd'hui, hein, pour être plus concrète, je reçois en première partie d'émission l'artiste Aline Martineau qui expose présentement à la maison Amel Bruno, Fanfare et autres pièces. Également, je recevrai Anne-Catherine Poirier et Delphine Egesbord au sujet de la foire de la fabrique. Et en deuxième partie d'émission, je m'entretiens avec Jeanne Couture, la coordonnatrice de l'événement Les Ouvrages de Portneuf qui a actuellement lieu à Pont-Rouge. Un événement assez intéressant qu'on va découvrir ensemble. Et on va terminer l'émission avec une nouvelle chroniqueuse cette semaine, Suzy Dufour, qui est allée voir pour nous l'exposition « Ligne de vie, art contemporain des Autochtones d'Australie » qui est en cours en ce moment au Musée de la civilisation de Québec. Donc, pour suivre toutes les actualités en art visuel, je vous invite à aimer notre page Facebook, mais aussi, bien sûr, à consulter notre page pour, bien sûr, écouter les émissions en balado-diffusion, mais également voir le calendrier des événements et aussi écouter la sélection audio de Simon Roy. Donc, je répète, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. On commence l'émission avec deux petites nouvelles, deux actualités, du moins en art visuel à Québec. À vrai dire, on a appris il y a une dizaine de jours que le sculpteur Pierre Bourgault se retirait de la course à la création de l'œuvre d'art pour la place extérieure du Centre Vidéotron. Donc, cet important concours de plus de 1 million de dollars 125 000 $ donc qui est en cours, à vrai dire qu'on a sélectionné les artistes et se disait déçu et en profond désaccord artistique et financier avec la firme d'architecture et de paysage B3 avec qui il avait déposé sa candidature. L'artiste de Saint-Jean-Port-Joli donc a préféré de quitter le concours suite à cette mésentente. Il raconte être rapidement arrivé en désaccord avec B3, notamment sur le rôle que chacun devait avoir dans la conception de l'œuvre. Et le sculpteur, lui, de son côté, voyait davantage la firme spécialisée dans le mobilier urbain comme un conseiller technique, alors que B3, lui, voulait plutôt voir à séparer le tout 50-50. Mais ce concours, il faut le rappeler, hein, il y avait 5 finalistes qui avaient été retenus pour ça, donc les artistes Cook-Sasseville, Doyon-Rivet, Jacek, Jarmus Keswicks, pardon pour la prononciation, et Yannick Pouliot. Et justement, on peut lire que certains interlocuteurs du milieu des arts visuels à Québec s'étaient étonnés qu'il n'y ait aucune femme en nomination, justement, en concours, bien que certaines avaient déposé des projets, justement, à ce méga concours. Et à vrai dire, ce sera à voir parce que ça avait fait tout un débat sur les réseaux sociaux, notamment c'était Pascal Champou, copropriétaire de la Galerie 3, qui avait apporté ce fait sur Facebook, justement. Donc, ça avait amené à beaucoup de réponses, justement, autant des gens du milieu à ce sujet. Donc, on devrait connaître le nom d'un nouveau candidat ou d'une nouvelle candidate qui sera retenue, donc, très prochainement. Peut-être rappeler, donc, oui, c'est ça, j'ai rappelé le nom des participants à ça. Donc, c'est à suivre, cette nouvelle. Et également dire, pour ceux qui passent dans le coin du Parc Saint-Roch, les fameux attracteurs de l'artiste André Dubois sont finalement enfin installé dans le parc Saint-Roch, justement. Ce sont, à vrai dire, 36 sculptures de bronze qui se ressemblent les unes les autres, mais qui sont à la fois toutes des pièces uniques, disséminées en groupes de 3 ou 4 dans le parc donc de l'Université du Québec et sur le parvis de l'église Saint-Roch. Les sculptures visent à donner une signature techno-culturelle au quartier, telle que le souhaitait la ville de Québec. Discrète, ces 17 d'entre elles s'animent de son et de lumière, mais seulement lorsqu'un détecteur de mouvement voit passer un piéton tout près. On aura probablement l'occasion de parler à André Dubois dans les prochaines semaines, justement, de cette installation-là, de ses œuvres. Et je vous invite à aller consulter sur le site du Soleil la nouvelle qui a été rédigée donc par Patricia Cloutier. On peut y voir également un court extrait vidéo de ces sculptures, donc, en action. On va faire une brève pause audio. Cette semaine, Simon Roy nous propose CH33, donc, de l'album, des extraits qui sont tirés de l'album Motion. Et le premier extrait que nous allons écouter est Meadow. En compagnie de Aline Martineau. Bonsoir, Aline. Bonsoir, André. Alors, une artiste, à vrai dire, qui roule sa bosse depuis déjà un bon moment. Quand même, oui. Oui, hein, déjà. Oui. Ça fait combien de temps que tu as débuté ta carrière? Demande-moi pas les dates, là. Je sais que ça fait très longtemps, mais je dirais que j'ai sorti de l'école, de l'université en 73, 14. 80, j'ai commencé vraiment à travailler. J'ai fait beaucoup de gravures au début, quand je suis sortie de l'école. Puis après, ben, j'ai commencé à diversifier, faire plus de sculptures. OK. Bien, justement, peut-être pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ton travail, j'étais curieuse que tu nous parles un petit peu de ta pratique artistique, de ce que tu fais, justement, comme pièce. Ma pratique artistique, c'est plus Ben, moi, je travaille plus en trois dimensions. Mm-hmm. Bon, quoique maintenant, j'ai recommencé à faire du dessin, parce que j'ai fait beaucoup de dessins, je fais de la gravure, je me disais. Mais là, j'ai recommencé à faire du dessin, des dessins préparatoires, des esquisses, des croquis en couleur pour... bon, parce que ce que j'aime, c'est la forme. Tu sais, c'est les personnages, le papier. J'aime la matière aussi. Donc, je suis inspirée par tout ça en même temps, les personnages, la matière. Donc, puis je m'accorde une grande liberté dans ce que je vais faire. Fait que c'est comme, je ne sais pas ce que je vais faire, ce qui s'en vient, mais il va y avoir quelque chose, c'est sûr, parce que je travaille toujours. Oui. Et justement, à la maison Amel Bruno, pour cette exposition Fanfare et autres pièces, ce sont des pièces récentes, beaucoup de sculptures, des sculptures faites à partir de matériaux, à vrai dire, très, très précaires, si on peut dire, hein, du papier, du carton principalement, mais de magnifiques sculptures, je trouve, qui sont présentées là. Ça fait longtemps que tu travailles ces petits personnages-là? Hein? Oui, ça fait longtemps. Toujours travailler dans le figuratif, dans la figure humaine. Mm-hmm. Et puis, j'aime beaucoup le papier, j'appelle ça le carton, les matériaux orphelins un peu, tu sais, les matériaux qu'on trouve, mm-hmm. qui nous sont apportés par le facteur, par qu'on se promène sur la rue, par chez nous, par. Puis, c'est vraiment comme une espèce de plaisir pour moi de manipuler ce matériau-là, de le coller, de trouver qu'est-ce que je peux en faire, puis de le sublimer un peu, si tu veux, tu sais, dans le sens que c'est un matériau simple, pauvre, mais en même temps qui a beaucoup, beaucoup de possibilités puis qui offre une grande liberté parce que, bon, on peut se tromper, on peut recommencer, ça coûte rien. Oui, c'est l'avantage. C'est oui, ben c'est ça. Fait que moi, j'accorde une grande importance à la liberté dans mon travail, dans ma profession d'artiste parce que je me dis qu'il n'y a pas nécessairement énormément d'avantages à être un artiste, mais ça, c'est un privilège. Fait que j'en profite au maximum. Ah oui. Et puis, moi, j'ai trouvé justement le fait de ces matériaux bons pauvres-là aussi, il y a une question à la fois, j'ai trouvé ça assez intéressant dans tes pièces, c'est que à la fois, on voit le côté fragile de la matière aussi, on regarde, on ose, tu sais, on aurait le goût de toucher juste pour voir si c'est lourd, comment ça se compose, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est mou, mais en même temps, je trouve qu'il y a aussi une très belle maîtrise de la technique, on le perçoit dans tes pièces, comment, on voit que c'est pas la première fois que tu manipules ces matériaux-là qui pourraient à la base être très fragiles aussi, donc... Oui, ça donne une apparence, mais j'aime aussi que ça donne une impression de fragilité, mais c'est pas si fragile que ça en réalité. Okay. Parce que bon, moi je connais bien ma matière, je connais bien ma technique, je peux les manipuler facilement, puis il n'y a pas de problème, mais cette espèce d'impression un peu de fragilité, de danger un peu, de est-ce que ça va tomber, est-ce que ça va tenir, est-ce que c'est fort, ben j'aime ça que ça soit comme ça aussi. Oui, puis ce que j'ai beaucoup aimé dans, parce qu'il y a plusieurs pièces aussi, faut le dire, là, c'est vraiment plusieurs pièces récentes de à peu près autour de 2013 à 2015, les deux dernières années principalement. Oui, c'est ça, les deux dernières années, 14-15, et il y a une pièce, La Rivière Bleue, qui est plus ancienne, qui est de 2003. Oui. J'aimerais ça y revenir à la fin, à cette pièce-là, parce qu'elle m'a accrochée, mais c'est ça, justement, quand on parle donc de fragilité, il y a un côté bancal aussi, des fois, puis c'est pas à voir péjorativement, mais au contraire, par exemple, les robes, les petites robes de bal, ça, je les ai trouvées magnifiques, parce que justement, il y a cette fragilité-là de la robe qu'on voit, mais en même temps, qui lui donne la matière, lui donne une espèce de mouvement, elles sont sur pattes avec des broches, puis vraiment, on avait l'impression d'une grande danse là, qui s'animait là, devant nous, mais ça reste des sculptures, là, ici. Oui, c'est ça. Mais c'est comme... Mais je travaille beaucoup aussi avec le mouvement. Je t'ai remarqué dans beaucoup de pièces, il y a le mouvement. Puis ça, les robes, je l'aime aussi beaucoup, cette pièce-là, parce que c'est un côté atelier. C'est un côté où est-ce que quand j'ai découvert le carton ondulé, bien simplement, j'ai eu envie d'essayer toutes sortes de façons de le travailler, si tu veux, donc de le travailler avec la couleur, de le travailler avec un vernis, d'avoir plusieurs, d'aller chercher la matière, le fini. Puis c'est en faisant ces robes-là que on va dire, taponné le carton du lait. Puis ça donnait quand même quelque chose qui était, c'est ça, beaucoup en mouvement. Que finalement, ça finit par faire une installation qui se tient puis qui est ludique aussi, qui est... Oui. Pleine de mouvements puis de fantaisie. Ben ça, de fantaisie, puis qui nous amène aussi dans un univers justement très, je trouve, ludique, très joyeux. Puis en même temps aussi, ça m'a beaucoup évoqué le cinéma d'animation, notamment cette pièce-là, ou bien même juste à côté, le quartier, là, dans le fond, oui. Toutes ces petites maisons, encore une fois, sur pattes et tout. Mais j'ai trouvé ça le fun parce que on voit, on fait pas juste voir des pièces, mais on dirait qu'il y a tout un univers qui nous vient en tête quand on les regarde. Puis j'avais beaucoup de cette impression-là du cinéma d'animation aussi quand je regardais tes pièces. Oui, c'est ça. Mais j'ai fait aussi quelques petits films d'animation en stop motion. J'avais suivi un cours à l'université pour savoir connaître la technique un petit peu plus. Puis j'ai travaillé ça un petit peu aussi si tu veux, des esquisses de cinéma d'animation. Ce que je fais, c'est que je me lance dans quelque chose que je connais pas, puis je vais voir ce que ça va donner. Mm-hmm. Bon, ça donne toutes sortes de choses qui sont des fois pas nécessairement terminées ou finies comme telles. C'est pas un film d'animation, mais c'est comme des esquisses de films mm-hmm. d'animation, si tu veux. Oui. Parce que la technique me permet ça aussi, la technique du papier. Ben c'est vrai, puis moi ça m'évoquait aussi peut-être, je sais pas si tu le connais, mais Frédéric Tremblay aussi, qui avait fait des petits personnages là à la bande vidéo, des animations avec des personnages peu comme ça en papier, on dirait, mm-hmm. en matière fragile. En tout cas, ça m'a beaucoup évoqué quand j'ai vu ça. Et puis aussi, ce qui était intéressant, c'est que autant on a ce côté un peu, oui, de légèreté, il y a beaucoup d'humour aussi, on pense, oui, le fanfare, justement, il y a une grande mm-hmm. installation justement, où on est dans l'univers du cirque, des personnages qui sont montés sur une espèce de tronc d'arbre, oui. de bûche, en quelque sorte, mais tout fait de papier aussi. Mm-hmm. Mais je trouvais aussi, il y avait tout un aspect, il y avait deux personnages qui ont retenu mon attention. Je me disais, tiens, Kamikaze. Ah oui, c'est ça. Je trouvais ça très beau, ces pièces-là aussi. Oui, c'est ça. Ben, c'est comme... Ça, le kamikaze, les kamikazes, c'est venu avec l'idée d'intégrer des allumettes. OK. Dans le... Parce c'est intéressant quand même comme point de départ. Ben, c'est aussi. Comme... j'ai toujours là en tête le papier, ça c'est caractéristique, si tu veux. Donc, si je fais des personnages qui vont être très gros, mais très légers, parce que vide à l'intérieur, je peux les mettre sur des broches puis créer une impression de déséquilibre, mm-hmm. d'équilibre très fragile. Mais les allumettes sont aussi un objet qui est en contradiction avec le papier, parce que, bon, c'est dangereux pour le papier, les mm-hmm. allumettes. Puis, c'est ça. Fait que créer des personnages avec des albardés d'allumettes, c'est comme ça crée une espèce de peur, si tu veux. Oui. Ça peut être dangereux. Oui, mais autant pour la sculpture elle-même, mais aussi, je veux dire, le référent que ça envoie, surtout dans l'actualité. Dans le contexte actuel, c'est sûr que là, on en parle beaucoup. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, j'ai trouvé quand même ces pièces-là assez intéressantes, justement, pour tous ces éléments-là aussi. Et puis, tu as parlé tout à l'heure que tu t'étais remis, parce qu'on voit aussi dans l'exposition des croquis faits avec du pastel, sec ou gras, ou les crayons, mais j'étais curieuse de te poser la question, à savoir, c'était quoi ce rapport que tu entretenais avec le dessin? Est-ce qu'il te sert de prémisse pour tes sculptures ou comment tu les vois, ces dessins-là, au juste? Ben moi, c'est récent que j'ai recommencé à dessiner. J'ai dessiné beaucoup mm-hmm. avant. Je fais des illustrations, du dessin, de la gravure, beaucoup. Puis j'avais comme arrêté pendant un bout de temps. Puis là, récemment, je me suis plus à ressortir mes crayons, mes dessins pour, faire des espèces de dessins à partir de l'idée que je vais faire de mon personnage, de ma sculpture. Okay. De commencer comme ça à acheter des idées sur le papier puis à avoir une petite idée de ce qui va venir. OK. C'est juste, simplement ça. Il nous reste peut-être une minute trente, et puis j'étais juste curieuse de poser la question du choix d'avoir mis cette pièce-là, Rivière Bleue, qui se distingue un peu des autres pièces aussi, mais que je trouve vraiment magnifique pour le jeu. Il faut dire qu'il y a des acétates, dans le fond, c'est comme des petits poissons, comme une rivière, des roches avec des broches qui a des acétates bleus dessus, mais avec la lumière, ça nous fait des petits reflets, puis en passant à côté, ça s'est mis à bouger. J'ai trouvé ça le fun, cette espèce de jeu-là, mais qu'est-ce qui t'a amené à la placer dans cette exposition? Moi, j'avais pas pensé nécessairement de la placer, mais c'est Daniel Lessard qui a fait le design de l'exposition puis qui connaissait la pièce, qui m'a dit « Aline, tu devrais mettre ta rivière bleue. » Puis finalement, je suis vraiment contente de l'avoir ressortie parce qu'elle était dans ses boîtes. Puis quand je l'ai revue, je l'ai trouvée super belle aussi. Puis en plus, je me suis dit que ça... Des fois, on fait plein de choses dans plein d'années, puis quand on les voit ensemble, on comprend que finalement, ça se tient parce que les personnages sont souvent sur des petites broches. Il y a toujours un petit peu ce côté-là de fragilité. Puis la rivière bleue, c'est comme ça, c'est comme un petit béton avec une grande tige qui va bouger un petit peu. Puis finalement, je trouve que ça va très bien avec le reste de l'exposition. Je suis vraiment contente de l'avoir sorti de ses bois puis de sa cave. Oui, puis vraiment, moi, j'ai trouvé ça très le fun de l'avoir à l'entrée aussi. Puis oui, comme tu dis, ça fait tout sens avec le reste, malgré qu'elle s'inscrit quand même un peu plus loin. Oui, c'est ça. Elle est plus ancienne, 2003, mais finalement... C'est toujours un petit peu, toujours là, les choses qu'on fait, on les fait, puis finalement, quand on regarde l'ensemble, on comprend qu'il y a une suite. Oui. Il y a une espèce de logique, si tu veux, dans tout ce qu'on fait. Ah ben, en tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu nous parler un peu de cette exposition-là, puis je vous invite tous, chers auditeurs, à aller voir cette exposition-là qui vaut vraiment le détour. La maison Amélie Bruneau, c'est sûr, c'est pas dans le centre-ville, non, mais ça vaut le déplacement. Mais ça se termine le 13 décembre. Alors, allez-y, parce que je sais pas quand est-ce que je vais réexposer. C'est comme, on sait pas des fois, c'est difficile de trouver des endroits, puis je trouve que c'est vraiment... un bel espace pour mes pièces. Oui, justement, le lieu s'inscrit très, très bien avec ton travail. Donc, allez à la maison Amélie Bruneau, donc jusqu'au 13 décembre prochain. Merci beaucoup, Aline. Merci, Audrey. Donc, nous, on fait une courte pause. On s'en va écouter l'extrait Cloud de l'artiste CH33. Je suis en compagnie de Anne-Catherine Poirier et de Delphine Gessbord. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Salut. Bien. Alors, vous êtes ici pour nous parler de la foire de la fabrique, vrai dire, qui a lieu cette fin de semaine, donc vendredi à dimanche. À l'édifice de la fabrique, donc l'édifice de l'Université Laval, l'École des arts visuels. Moi, je suis curieuse que vous nous expliquiez un petit peu, peut-être une des deux. Vous verrez qu'est-ce que c'est exactement cet événement-là pour les gens qui ne connaîtraient pas l'événement. Ben en fait, la Foire de la Fabrique, ça va être c'est un événement de financement en vue de l'exposition des finissants qui va être présentée en mai prochain. À chaque année, il y a un regroupement de finissants qui souhaite organiser une exposition dans le cadre de la fin de leur bac. Mais évidemment, une entreprise comme celle-là, ça demande des sous, ça demande des fonds. Mm-hmm. Donc, cet événement-là, ça fait partie des différentes initiatives qu'on entreprend pour amasser des fonds en vue de cet événement-là. OK, super. Et je pense aussi que l'événement portait un nom différent dans les dernières années. Ben oui, en fait, là, il a changé de nom pour permettre aux autres médiums, aux autres techniques, aux artistiques de venir s'inclure. Oui, il faut rappeler, ça s'appelait la foire de dessin, donc qui était, j'imagine, essentiellement du dessin, mais là, cette année, ça, il va y avoir plus. Qu'est-ce qu'on va retrouver un peu? Ben, il va y avoir de la sculpture, il va y avoir gravure, photographie, il va y avoir des dessins encore, de la peinture. Oui, tout à fait. Jusqu'à présent. Oui, exactement. Le nom, en fait, le changement de nom visait à être plus inclusif, en fait, même si on voyait déjà au courant des dernières années qu'il y avait une ouverture à laisser la place à différents médiums. Je pense que cette année, on voulait vraiment marquer ce changement-là, la diversité des médiums qui sont présentés là. Puis vraiment, par le nom La Foire de la Fabrique, ben, on met l'accent un peu sur cette communauté-là qui se rassemble autour de cet événement-là, à la fois professeurs, étudiants, finissant aussi des années dernières, des gens qui sont à la maîtrise ou des gens même qui ont décidé de sortir de l'institution scolaire, qui ont gradué, des deuxièmes années aussi, qui nous appuient dans cette démarche-là. Donc, c'est vraiment toute cette communauté-là qui évolue dans l'édifice de la Fabrique, qui se rassemble autour de cet événement-là. OK, c'est intéressant. Et on pense à combien d'artistes approximativement qui vont participer à la foire? Oh mon Dieu, on n'a pas pensé à évaluer ça. Puis en fait, on continue de découvrir jour après jour. Il y a comme des arrivages là, chaque matin. C'est des surprises de découvrir des nouvelles œuvres qui nous sont amenées. Peut-être au moins une vingtaine, je dirais certainement, okay. Là, parce qu'on parle quand même d'une vingtaine de finissants, 20 à 25 finissants qui graduent cette année. Donc, il y a certainement minimalement une vingtaine de personnes qui présentent des œuvres. OK. Puis vous avez mentionné aussi qu'il y aurait peut-être quelques professeurs qui vont participer à l'événement. Est-ce que vous pouvez nous révéler peut-être une ou deux personnes? Ben on a en fait Paris Martin nous a offert des gravures rehaussées à l'aquarelle qu'on va mettre en vente, puis il y a Bernard Paquet aussi qui nous a donné des impressions numériques. Bernard Paquet qui est un professeur de peinture à l'école, mais qui a évidemment des réflexions très actuelles sur la peinture, sur la couleur et tout ça. Puis on a aussi David Naylor qui est surtout connu pour son travail en sculpture, mais qui va nous offrir aussi un dessin qu'on va mettre en vente à la foire. Intéressant tout ça. Et puis j'avais un peu questionné à savoir si vous saviez à quel moment cette initiative-là, ou peut-être vers quelles années ça avait commencé, si ça existe depuis longtemps, cette foire, parce qu'en même temps, je pense que c'est connu, mais pas à grande échelle non plus, peut-être plus dans le milieu. Puis là, je pense que ça serait intéressant que des gens de tous les milieux arrivent. Avez-vous une petite idée? Quand est-ce que ça a commencé? J'ai questionné mes contacts à la Fabrique. Puis en fait, d'après ce que j'ai pu apprendre des techniciens et des professeurs qui sont là depuis longtemps, c'est que c'est un événement quand même qui est revenu périodiquement, de temps en temps, depuis très, très longtemps, mais depuis 2011-2012, vraiment, c'est un événement qui est rendu récurrent, même que l'année dernière, ils ont fait deux éditions de la foire, une à Québec, évidemment à l'école, mais aussi une qui avait lieu à Lévis, à la Galerie Archipel. Okay. Fait que c'est vraiment rendu un événement qui est super intéressant, qui est couru aussi par différents type de public aussi, je pense. Ça va vraiment rejoindre à la fois parents et amis, mais aussi des collectionneurs. C'est ça, j'allais dire. Ça. Exact. Fait que c'est super intéressant. Puis cet événement-là, je pense justement, gagne à être connu, surtout qu'il donne en fait une vitrine à la relève là, qui s'apprête à graduer. Mm-hmm. Puis peut-être pour... Est-ce qu'on sait à peu près dans quel genre de brochette de prix? Parce que je pense que c'est quand même des pièces qui sont très accessibles là, qu'on parle ici. Oui, tout à fait. En fait, ça va vraiment, ça dépend évidemment des formats, des médiums et tout, mais ça peut aller de 5$ à, évidemment, selon, disons, des photographies d'un plus grand format, parce qu'il va y avoir des photographies, tu sais, qui peuvent mesurer, disons, 20 pouces par 24 pouces ou quelque chose comme ça. Donc ça, évidemment, ça hausse un peu les prix, peut-être jusqu'à 50-75$. Mais évidemment, on essaie de rendre ça accessible. Je pense que ça demeure un objectif. Mais comme par exemple pour une toile grand format, là, j'imagine que ça pourrait quand même monter les prix là, selon le... Oui, oui, c'est certain. Mais déjà là, quand on parle que ça peut commencer à 5$, ouais. Là, il n'y a pas de raison pour ne pas aller faire un tour ouais. Là, ici. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu nous en parler. Puis j'incite vraiment tous nos auditeurs à aller voir cette belle foire-là parce que, justement, on peut y trouver de très belles perles. Puis aussi, tout en soutenant, bien sûr, les productions étudiantes et aussi peut-être même... soutenir un étudiant qui deviendra un artiste connu de demain. Hein, c'est toujours ça aussi le plaisir. Puis j'invite aussi les collectionneurs, parce que je sais qu'on en a qui sont à l'écoute, à y aller justement pour soutenir. Donc, on rappelle peut-être, est-ce que tu veux nous rappeler, Anne-Catherine, à quel moment ça a lieu? Ben ça va débuter vendredi. Puis ça va finir dimanche, c'est à 11h. De 11h à 16h. Ouais. Donc, 11h à 16h de vendredi à dimanche. L'édifice de la Fabrique, pour le rappeler, c'est au 295 boulevard Charest-Est. Merci beaucoup, les filles, d'être venues nous beaucoup. Parler. Bon Salut. Succès. Nous, on fait une courte pause et on vous revient pour la deuxième moitié de l'émission. Ce vendredi 27 novembre dès 15h30, CKRL et le Centre de la francophonie des Amériques vous invitent à une table ronde réunissant des jeunes Canadiens francophones provenant des quatre coins du pays. Langue, identité, culture, résistance. Jessica Lem mènera le débat autour des sujets qui touchent les jeunes francophones canadiens. Suivez la discussion sur nos ondes ou directement sur place au restaurant Table, rue Saint-Joseph, coin du Parvis. CKRL 89.1. Cartier a cessé les opérations de son club vidéo pour poursuivre sa mission première, présenter des films en salle. Audio Vidéo DG s'est porté acquéreur de son inventaire, un des plus importants au Québec. La liquidation est en cours. Des milliers de films introuvables, discontinués, de tous les genres, spécialisés dans le cinéma d'auteur et étranger, sont en vente. Audio Vidéo DG, 194 Avenue Saint-Sacrement, 88 681 50 88. audiovideodg.ca. Nous sommes de retour pour la deuxième moitié de l'aérospatiale et j'ai le plaisir d'avoir au bout du fil l'instigatrice d'un événement bien particulier qui a lieu en ce moment dans la MRC de Portneuf, donc tout près de Québec. J'ai Jeanne Couture au bout du fil. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir, Audrey. Alors, tu coordonnes l'événement Les Ouvrages de Portneuf qui cherche à mettre à l'avant donc l'apport déterminant des cercles des fermières qui célèbrent cette année, il faut le dire, leur 100e anniversaire. Absolument. Et oui, il faut dire que expliquer aux auditeurs que tu t'es intéressée au cercle des fermières au cours de tes études universitaires. Exactement. Donc, c'est mon sujet de maîtrise que je terminerai, j'espère, bien sous peu. Donc, je travaille sur les cercles des fermières, leur implication sociale et politique dans le cadre de mon mémoire de maîtrise. Mais comme je ne pouvais pas parler comme tel de leur savoir-faire artisanal, ça ne rentrerait pas dans le cadre comme tel de mon sujet de maîtrise. Donc, j'ai décidé de faire des projets parallèles qui mettent en valeur ce savoir-faire-là, finalement. Oui, et cet événement-là, donc, les ouvrages de Portneuf, c'est un événement qui a deux volets, hein, je pense. Oui, c'est ça. Écoute, bien, c'est assez multiple, là. Il y a d'abord une exposition qui est en route déjà au Moulin-Marcoux de Pont-Rouge depuis le 7 novembre. Ça se termine le 6 décembre. C'est une exposition avec plus de 150 ouvrages réalisés par les cercles de fermières de la MRC. Il y a 14 cercles qui participent à ça. C'est vraiment beaucoup de femmes là qui sont de la partie. Finalement, j'ai choisi différents ouvrages là, pour vraiment montrer un éventail de techniques ancestrales. Donc, on a vraiment du tapis tressé. J'ai beaucoup de sortes de broderies. Je vais avoir une vingtaine de techniques différentes. Du tricot, du crochet, beaucoup de tissage, évidemment, de la courtepointe également. Donc, j'ai vraiment un bel éventail de travaux très fins. Vraiment, c'est impressionnant le nombre d'heures de travail là, rassemblées. Tous ces ouvrages-là, là, c'est des ouvrages d'une vie. Là. oui, c'est certain. Et puis, c'est souvent aussi quelque chose qu'on a en tête. On pense à nos grands-mères ou à la limite à nos tantes qui ont fait ces ouvrages-là ici. Mais il faut savoir que je pense quand même que tout un espèce de petite vague de renouveau, d'intérêt pour ces métiers d'art-là, plutôt textile, manuel, le tricot notamment, ou ces choses-là. Il y a toute la vague DIY à laquelle je pense notamment. Absolument. Donc, il y a vraiment un renouveau, enfin un regain plutôt d'intérêt, je dirais, des jeunes de l'âge 20-35 ans peut-être, qui veulent retrouver un savoir-faire technique qu'on n'a plus maintenant devant nos ordinateurs. Je pense qu'on a un besoin de retrouver la matière, de toucher à la fibre. C'est aussi le savoir-faire artisanal, c'est très méditatif et ça donne un résultat qui est concret, qui est tout de suite, on fait notre tricot, on commence à le faire, puis on est fier. Il y a vraiment une espèce de fierté instantanée là qui est quand même reliée à ça, à mon avis, qui est intéressante. Ça nous donne vraiment de dire, c'est nous autres qui a fait, j'ai fait mon foulard, c'est moi qui l'ai fait ma tuque. Il y a vraiment une belle fierté qui est reliée à ça. Puis justement, le retour avec le mouvement DIY, de faire soi-même le plus de choses possible, d'acquérir différents savoir-faire dans différentes sphères. Je pense que ça vient aussi de là, cet intérêt-là que j'ai pour les fermières. Puis ben il reste que les gardiennes de ces traditions-là, c'est encore les cercles des fermières, parce qu'il y a eu un certain moment dans l'histoire où il y a eu la chaîne, en fait, de la transmission des savoir-faire s'est plus ou moins brisée. Oui. La génération, disons, 45-60, ça s'est plus nécessairement tricoté, en fait. Nos grands-mères n'ont pas nécessairement montré à nos mères, finalement, qui c'était assez péjoratif, là, souvent de dire, c'est moi qui cousais mes vêtements, c'est moi qui ai fait ma tuque, pourquoi tu l'as pas acheté, tu peux acheter ça maintenant dans les grands magasins. Il y avait une espèce de dévalorisation à ce moment-là, dans les années 70 et 80, de ce savoir-faire-là. Et il y a eu une brisure, si tu veux, dans la transmission des savoir-faire. Et là, on est dans un retour et c'est les gardiens des traditions sont encore les fermières. Oui, effectivement. En tout cas, pour revenir sur ce que tu disais, le plaisir de faire d'avoir l'accomplissement de faire quelque chose, je suis entièrement d'accord parce que moi, j'ai fait un peu de couture aussi dans les dernières années, puis c'est bien simple, mais en même temps, on est tellement heureux de l'avoir fait, puis c'est aussi tout un patrimoine vivant, les cercles des fermières, justement, qui est là, mais qui, on souhaite, ne disparaissent pas. Donc, cette exposition-là, je crois, met beaucoup à l'avant cet aspect-là aussi du patrimoine vivant et de la passation, en quelque sorte, de ce patrimoine-là vers la jeune génération. Absolument. Puis je ne sais pas si tu savais, mais le cercle de fermières, en fait, la transmission des savoir-faire des fermières viennent juste de rentrer dans le registre du patrimoine vivant du ministère de la Culture. Oh, wow. Ça fait un mois que ça a été annoncé. La ministre de la Culture, Hélène David, a fait l'annonce de manière un peu cavalière quand même à l'émission de Marina Orsini. Ah, quand même? Et oui. Donc, l'annonce officielle s'est faite là. Mais bon, il y a eu des communiqués de presse par la suite, mais c'est vraiment rentré dans le registre du patrimoine vivant. Alors, ça va être maintenant protégé. Je pense qu'il va y avoir différentes actions qui vont être prises au niveau du gouvernement pour valoriser là, de plus en plus pour pas que ça se perde finalement. Oui, et puis toi aussi, de ton côté, avec cet événement-là, tu nous proposes aussi un bel événement, la fin de semaine de clôture des ouvrages de Portneuf, donc le 5 et 6 décembre. C'est une fin de semaine spéciale. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Moulin Marcoux et dans Portneuf le 5-6 décembre. Il va d'abord avoir le dévoilement d'une œuvre d'art qui a été réalisée par Mathieu Fecteau, un artiste en art visuel qu'on connaît bien à Québec, mais qui est originaire, en fait, qui habite entre Saint-Léonard-de-Portneuf et Limoilou. Donc, Mathieu Fecteau travaille depuis déjà quelques semaines à la réalisation d'un ouvrage, d'une œuvre d'art, en fait, en collaboration avec les fermières de Donnacona. Donc, le projet Les ouvrages de Portneuf mettait aussi au défi les artistes de nous proposer un projet de collaboration avec les fermières, un projet d'œuvre d'art collaboratif. Donc, et c'est Mathieu qui a été sélectionné par le chef des fermières et pour faire un immense tissage. En fait, c'est une carte du ciel qui va être illuminée. C'est un tissage qu'il a fait avec donc une autre fermière sur un métier à tisser 100 pouces. Donc, on doit être deux personnes. Pour le faire, ça a 6 pieds à peu près de hauteur. Et il a tissé vraiment dans son matériel, dans la fibre, il a intégré des fils de cuivre. Les fils de cuivre vont ensuite être sortis plus ou moins du textile pour en faire sortir des petites lumières. Il y a une 150 LED à peu près qui vont être ajoutées à l'ouvrage et les fermières ont brodé la carte du ciel, en fait, les constellations que l'on voit au-dessus de Portneuf à la date du 6 décembre. Alors, quand même, c'est pas rien. Mathieu a fait toute une recherche en astrophysique. En fait, son frère est astrophysicien et il lui a fait carrément la carte du ciel du 6 décembre et les astres seront alignés de cette façon-là, si tu veux, le 6 décembre. Alors, les constellations des fermières vont briller. Donc, c'est un tissage qui se branche dans le mur. Super. Et puis aussi, je pense que les gens vont pouvoir assister à une virée, à vrai dire, si c'était mentionné comme ça, une virée des savoir-faire où on va pouvoir découvrir ou même participer aussi à la réalisation de certains objets ou pièces de vêtements aussi au cours de la fin de semaine. Exactement. Donc, vraiment, pour rendre concret toute cette histoire de transmission des savoir-faire-là, j'avais envie que les cercles ouvrent leurs portes, finalement, et montrent aux visiteurs, aux résidents, même de leur localité, qui les connaissent plus ou moins, qui leur montrent tout ce qu'elles savaient faire. Donc, on a une belle programmation de différentes techniques qui vont être montrées dans les villages de Portneuf. Il va, entre autres, avoir le tissage d'un foulard. Il va y avoir le tissage d'un tapis sur corde. Donc, montrer comment ça fonctionne. Il va avoir le tissage d'un sac avec des rubans de cassettes. Donc, c'est vraiment des rubans de cassettes qu'on n'utilise plus, qui sont réutilisés, recyclés par les fermières pour faire des sacs qui sont waterproof, excusez-moi pour mon anglais. À l'épreuve de l'eau. Exactement, apparemment, ça marche super bien. Il va y avoir aussi une démonstration de perlage, vraiment perler sur une bourse, donc une technique de haute couture qui va être montrée. Il y a également donc des ateliers de crochet, des décorations de Noël qu'on va pouvoir se faire au crochet, une démonstration de courte pointe également. Donc on a vraiment une foule de savoir-faire qui vont être mis de l'avant le 5 et 6 décembre. Bien, c'est super. Alors j'invite tous les auditeurs à aller faire un tour dans Portneuf cette fin de semaine. Pour trouver toutes les informations, on consulte la page Facebook de l'événement. Absolument, oui. Toutes les informations et des belles photos là, d'avant-goût de l'œuvre de Mathieu Fecteau aussi vont être publiées prochainement. Oui, c'est ça. Je les ai vues, moi, puis ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un petit coup d'œil. Donc, les ouvrages de Portneuf, l'exposition qui est au Moulin Marcoux, donc sur le 1 boulevard Notre-Dame à Pont-Rouge, mais aussi la virée des savoir-faire textiles qui a lieu donc les 5 et 6 décembre de 10h à 17h. Donc, merci beaucoup, Jeanne, de nous avoir parlé ce soir de cette cet événement-là et bon succès aussi pour cette fin de semaine. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Bye. Alors, nous, on fait une très courte pause. On s'en va écouter l'extrait Kung Fu. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Suzy Dufour. Bonsoir, Suzy. Bonsoir, Audrey. Alors, une nouvelle venue dans notre équipe. Très heureuse de te compter parmi nous. Et je t'avais lancé comme défi d'aller voir une exposition au Musée de la civilisation, donc Ligne de vie, art contemporain des Autochtones d'Australie. Exact. Et donc, c'est une exposition que vous aurez en masse le temps de voir parce que j'avais constaté que c'était jusqu'au 5 septembre 2016. Exactement. Donc, presque une année complète à présenter cette exposition-là. Oui. Qui est quand même une exposition, une nouvelle venue, si on veut, là, à Québec depuis 1975. Parce que c'est un sujet, l'art contemporain des Autochtones d'Australie, qui avait été présenté dans 12 musées canadiens en 1975, dont le Musée des Beaux-Arts du Québec, puis okay. Le Musée d'art contemporain de Montréal. Donc là, c'est la première fois que c'est un musée de la civilisation. Ouais, un musée plus de société, qu'on dit, non? Exactement, qui présente finalement ce type d'art-là. Okay. Donc, c'était quand même intéressant de voir justement de l'art contemporain présenté dans un musée... comme le Musée de la civilisation. De la civilisation, ouais. Exactement. Puis c'est particulier parce que je suis allée la voir moi aussi, puis c'est une approche qui est différente de ce qu'on pourrait voir, par exemple, au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Absolument, absolument. Puis je pense que ça prend un petit moment pour s'adapter, oui. Justement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis très d'accord avec toi, oui. Suzy, parce que ouais, moi, sur le coup, au début, j'étais pas trop sûre, mais je dois dire que j'ai eu des petits coups de cœur parce oui. que peut-être faut expliquer aux gens un peu grosso modo à quoi ça ressemble cette exposition-là. Là. Oui, exactement. Mais en fait, les œuvres proviennent d'abord de multiples collections. Puis, il y a en fait de la peinture, de la sculpture, de la gravure en grande majorité et de façon moins importante, des installations et des vidéos. Mm-hmm. Puis de la photo. Je pense qu'il y a une photographie. Oui. En réalité. En fait, l'exposition reflète l'espèce de liaison, le caractère important que les peuples autochtones de l'Australie ont, en fait, la relation qu'ils ont avec leur territoire. OK. Donc, c'est ça la thématique principale qui est séparée en trois autres thématiques. Donc, et c'est pas totalement clair la division de l'espace. Hein? Mm-hmm, je suis d'accord. On se sent comme dans une espèce de d'espace où il y a différents îlots au centre. On n'est pas dans une exposition d'art où les œuvres sont accrochées au mur, par exemple, et où il y a une espèce de circuit, parcours. Hein? Ouais, ouais. Exact, dirigé. Puis il y a beaucoup aussi des œuvres qui sont comme, par exemple, des peintures qui sont au sol, mais à l'horizontale, oui, déposée. Sur des tables, là, ouais. Exactement. Ça fait partie un peu, c'est une anthropologue qui est la commissaire de l'exposition. Puis j'ai l'impression que ce choix-là vient du fait que c'est des œuvres qui illustrent, ces œuvres-là, qui sont souvent des acryliques sur toile mm-hmm. ou sur carton, qui illustrent des territoires, soit rêvés, imaginaires ou réels, mais très très stylisées, hein, tu t'en es rendu compte, là, toi aussi, Audrey, oui. Là, qui sont vues à vol d'oiseaux. Donc, je pense qu'on a voulu garder ce point de vue-là, mais personnellement, j'ai trouvé que le caractère esthétique ou les particularités des couleurs, des formes qu'on aurait pu observer puis qu'on aurait pu apprécier de ce type d'art-là, on n'a pas pu l'apprécier à sa juste valeur parce qu'on était sur un point de vue où on essayait de tout voir. Puis c'était des formats quand même assez importants. Donc, d'essayer de voir l'ampleur, l'effet visuel, le coloré de ces œuvres-là, c'était très difficile. Cela dit, ça amenait une autre perception, un œil nouveau. Oui, exact. Ça nous sortait de notre zone de confort un petit peu. Là. Ben, en tout cas, on le sait. Ben, en tout cas, nous autres, on a travaillé ensemble au Musée national des Beaux-Arts. Fait que, c'est une autre approche. Au coup, moi, j'étais comme un peu, ben, pas rébarbative, mais je suis comme, wow, là, que c'est ça, là. Oui, exactement. Ben oui, ça change notre œil, l'habitude de notre œil à observer des toiles qui seraient accrochées au mur. Puis on a un point de vue, finalement, qui nous est suggéré puis qui nous permet de contempler l'ampleur de l'œuvre. Donc, il y a ça. Les trois thèmes dont je parlais tout à l'heure, il y a c'est tous des thèmes qui sont reliés à la terre, donc au territoire. Il y a terre de rêve qui illustre un peu la filiation, l'appartenance à la terre à travers les rites, ils appellent ça en fait des rêves, mais c'est en fait des histoires, des légendes avec lesquelles nous ne sommes pas du tout familiers ici au Québec. Là, un peu comme le folklore québécois, si on veut. Oui, là. C'est ça, sauf là pour justement ces peuples autochtones d'Australie. Donc, plus dans les traditions qui sont ancestrales. Ensuite, dans le parcours qui nous est suggéré dans la salle, on a terre de savoir. Donc, c'est en fait la présentation de l'environnement dans ce qu'il y a de presque botanique ou d'observation qui est naturelle du lieu. Beaucoup d'animaux, des genres de sculptures d'animaux faits avec des matériaux récupérés, là, mais très, très naturels, ramassés, trouvés. Donc, exactement. Puis là, il y a le parallèle, il y a un petit côté aussi environnemental. On sent que parfois, par ces bestioles-là, qui sont des espèces de sculptures faites en matériaux recyclés, ben il y a un petit clin d'œil justement à la sauvegarde du territoire aussi, à l'alliance qu'on a de cette façon-là. Puis troisièmement, ben on a terre de pouvoir et qui met en relation plus justement cet enracinement-là qui a été déraciné par la colonisation britannique. C'est ça. C'est beaucoup ça, l'aspect colonial qui m'a frappé, sauté aux yeux, notamment aussi dans cette exposition-là. Là, absolument. Notamment dans les œuvres plus contemporaines. Je veux dire, j'ai eu un petit faible pour les œuvres vraiment plus actuelles qui rejoignent peut-être plus notre réalité, les mouvements d'art contemporain plus mondiaux, si on peut dire internationaux, là, mais il y avait absolument de très bonnes œuvres. Oui, magnifique. Dans cette section-là, plus particulièrement, on a justement pu voir des œuvres qui étaient enveloppantes, englobantes, puis qui nous rejoignaient, qui nous touchaient, parce que là, on avait l'impression d'avoir vraiment le point de vue de ces peuples-là, et de façon directe, et dans des installations, des vidéos. Puis ça arrive à la fin de l'exposition. Je l'aurais peut-être mis au début, moi, pour nous mettre dans le bain, puis nous accrocher le cœur à ce peuple-là. Ou peut-être d'en avoir placé par-ci, ou tu sais, plus avant, parce qu'il y en a une dans cette première section-là. Je me rappelle, c'est comme une grande peinture avec une canette, notamment, qui reprend des motifs aussi très propres à un peuple en particulier. J'oublie le nom du peuple, mais il y a ça. Mais sinon, à la fin, c'est ça, c'est qu'on arrive, après ça, on tombe dans un petit peu plus, si on peut dire, pas familier, mais plus dans, justement, ce qu'on s'attend de l'art autochtone, plus dans les racines proches, mais il y avait vraiment quelque chose de touchant dans certaines pièces, puis si on prenait le temps de lire un petit peu ce que ça pouvait représenter aussi, certaines des pièces, c'était des commentaires plus virulents sur l'exploitation des femmes, notamment, et tout. Absolument, le déracinement de jeunes enfants, là, par des communautés religieuses dans les années 60. Bref, ce peuple-là a vécu une multitude d'événements par rapport à cette colonisation-là. Puis c'est à ce moment-là qu'on le reçoit, puis on le reçoit bien, par des matériaux, des médias qui sont plus actuels aussi. Je pense que ça nous rejoint plus facilement de cette façon-là. Donc, une exposition, somme toute, intéressante, qui vaut la peine d'aller voir. Puis, en tout cas, comme on le dit, on en masse le temps d'y aller, mais faut, si vous passez par le musée de la Civilisation, ça vaut la peine de faire le détour. Merci beaucoup, Suzy, d'avoir été la voir pour nous. Ce fut un plaisir, Audrey, vraiment. À la prochaine. À la prochaine. Alors, nous, on fait une brève pause et on termine l'émission avec les événements de la semaine. On vient tout juste d'écouter l'extrait Aloha de CH33. Donc, vous vous rappelez que c'est sur l'album Motion qu'on peut trouver ça. Donc, la sélection audio de la semaine va se retrouver sur, et comme toujours, sur la page de l'émission l'aérospatiale.wordpress.com. Donc, un bref rappel des événements de la semaine. Ce jeudi, il y aura une conférence de Luc Lévesque à l'édifice de la Fabrique, donc à l'École des arts visuels à 16h30. C'est une conférence sur l'espace public comme constellation que nous propose le professeur et artiste aussi, à vrai dire, un homme qui est multidisciplinaire, si on peut dire, et qui a un parcours assez atypique. Ça s'inscrit dans le programme de conférences Espace public et mobilité, bilan et hypothèses, donc présenté par l'École des arts visuels et la Galerie des arts visuels également, donc ce jeudi 16h30. Et c'est au local 3153. Vendredi, il y a le vernissage de l'exposition Luxe de John Blouin à la bande vidéo à compter de 17h. Et vous rappelez que c'est la dernière semaine pour voir les expositions de Oël Duret et de Charles-Étienne Brochu à l'œil de poisson. Également la dernière semaine pour voir Grim Patterson à la Galerie 3 et Denis Pellerin à la Cert Art Contemporain. Simplement aussi vous rappeler que il y a un événement à l'œil de poisson qui a lieu vendredi dans deux semaines, le 4 décembre, la tablée de Noël de l'œil. On aura l'opportunité d'en reparler, mais c'est un événement, un souper bénéfice pour l'œil de poisson, une expérience, dit-on, artistico-culinaire, donc qui mélange art visuel et art de la table. C'est le chef David Forbes du Ciel qui prépare le repas, mais c'est les employés et les membres du conseil d'administration qui sont à votre service et qui vous concocte une soirée, faut le dire, assez originale et endiablée pour soutenir ce très bel organisme, donc de l'œil de poisson, ce centre d'artistes à Québec. Je tiens à remercier mes invités d'aujourd'hui, Aline Martineau, Anne-Catherine Poirier, Delphine Egesbar et Jeanne Couture, mes collaborateurs Simon Roy, Suzy Dufour ainsi que Jacques Gignac à la mise en onde. Et je fais un petit bonjour à ma comparse de l'émission Gentiane La France. Et je cède maintenant l'antenne à Pierre Blais et son émission Situation critique pour tout savoir sur le cinéma. Alors, merci à tous d'avoir été parmi nous. On se revoit mardi prochain, même heure, 17h30, sur les ondes de CKRL. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. lebaldulezard.com. Audiolight. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact de cinéma maison. Audiolite, 50 ans de haute fidélité et toujours spécialiste en son et images. Audiolite, 355 rue Marie de l'Incarnation, 88-687-9252. Audiolite.qc.ca. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Venez danser sur les rythmes des chauffeurs à pied, sur le son électro-trad d'Olivier Soucy et sur les beats techno de DJ Millimétrique, tout en suivant les pas dictés par le caleur Jean-François Berthiaume. Jeune et moins jeune, novice et expérimenté, entrez dans la danse à l'occasion d'un bal électro-trad. La rencontre de ces deux univers est très prometteuse. Venez nombreux, l'entrée est libre. Le samedi 24 octobre à 19h30, édifice Denis Giguère. Le samedi 5 décembre à 19h30, centre communautaire Fernand Dufour. Détails au www.cvpv.net. Le samedi 28 novembre, la Maison de la littérature présente La logique du pire, l'ensemble vocal de Étienne Lepage. Une collection de monologues doux-amers qui jouent avec le débit, la répétition et les intonations sur la musique de Robert Marcel Lepage et son quintette, accompagné des illustrations de Francis Desharnais. Trois disciplines pour un spectacle qui a tout de l'indiscipliné. Billets à la Maison de la littérature et sur Billettech. La Maison de la littérature, votre maison pour écrire, lire, vivre. Cinéma qui n'était que du... Cinéma qui n'était que du... Cinéma... Situation critique vous est présentée par le Cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs.